Qui sais-tu qui l'aide à vivre, à s'asseoir quand il s'enivre? C'est pas vous ni moi, mais non, c'est l'accordéon. Accordé, accordé, accordéon. L'homme a l'accordé, accordéon. Accordé, accordé, accordéon. L'homme a l'accordé, accordéon. Ils sont comme cul et chemise, et quand on les verbalise, il accompagne au violon son accordéon. Il passe une nuit tranquille, puis au matin il refile un peu d'air dans les poumons de l'accordéon. Accordé, accordé, accordéon. L'homme a l'accordé, accordéon. Accordé, accordé, accordéon. L'homme a l'accordé, accordéon. Quand parfois il massacre ses petits boutons de nacre, il en fauche à son veston pour l'accordéon. Il emprunte ses bretelles pour soutenir la ficelle qui retient son pantalon en accordéon. Accordé, accordé, accordéon. L'homme a l'accordé, accordéon. Accordé, accordé, accordéon. L'homme a l'accordé, accordéon. Mais un jour par lassitude, on verra la solitude se glisser à l'horizon de l'accordéon. Il en tirera 50 centimes à la brocante, et l'on fera plus attention à l'accordéon. Accordé, accordé, accordéon. L'homme a l'accordé, accordéon. Accordé, accordé, accordéon. L'homme a l'accordé, accordéon. France est une chanson écrite et chantée par Charles Trenet en 1943. Mais elle ne sera enregistrée qu'en 1947. Eh oui, on prenait son temps à l'époque et puis il y avait la guerre. Cette chanson est reprise aujourd'hui par le Trio des Montagnes. À l'accordéon, Bernard Marly. Douce France, le Trio des Montagnes. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et

nouvelle vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. C'est une valse que nous propose Christophe Pesset maintenant, une valse bien sûr de Maurice Larchange. Une chanson, une chanson pour vous mesdames, je vous la chante sans façon, mais elle vient du fond de mon âme. J'ai dans mon cœur une chanson, elle vous apporte toute ma flamme, elle vous souhaite beaucoup de fêtes, beaucoup d'amour et plein de bonheur. J'ai dans mon cœur une chanson pour vous, mesdames. Elle vous souhaite amour, beaucoup de fêtes, toujours, car c'est pour vous que chante mon cœur. J'arrive ici plein de chansonnettes et de refrains de joie et de bonheur. Et ces bouquets de roses et de violettes, ils sont pour vous, si vous le permettez. J'ai dans mon cœur une chanson pour vous, mesdames. Je vous la chante sans façon, mais elle vient du fond de mon âme. J'ai dans mon cœur une chanson, elle vous apporte toute ma flamme. Elle vous souhaite beaucoup de fêtes, beaucoup d'amour et plein de bonheur. J'ai dans mon cœur une chanson pour vous, mesdames. Elle vous souhaite amour, beaucoup de fêtes, toujours, car c'est pour vous que chante mon cœur. Car c'est pour vous que chante mon cœur. Sorgia FM. Sorgia. C'est vrai qu'on passe un très très bon moment et on va continuer. On va partir du côté de Pigalle. Oh, c'est maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledent. L'univers d'Arlette sur Sorgia FM. Les fiancés d'Auvergne, composé en 1961 par André Verschuren, pour les paroles Guy Favreau et Jean Grelbin. Énorme succès dans les bals de l'époque. Cette chanson n'a rien perdu de sa superbe. Elle est reprise aujourd'hui par Guylaine Laure, une chanteuse à l'immense répertoire de chansons françaises. À l'accordéon, Jean-Yves Duchesne, les fiancés d'Auvergne. J'ai quitté mon cher pays, mais j'ai laissé mon cœur. Parmi les bois, les monts, les vallées et les fleurs. Car je pense chaque jour à celui qui m'attend. Il me garde son amour et nous nous marierons dès le prochain printemps. Mais tous les fiancés d'Auvergne ne vivent pas simplement d'espoir pour prendre aussi ma part de peine. Je suis partie au facile, il faut du courage et de la volonté. Si je fais ma place dans la grande ville, c'est pour gagner le droit de bâtir un foyer. J'ai quitté mon cher pays, mais j'ai laissé mon cœur. Dans mon Auvergne jolie, parmi les bois, les monts, les vallées et les fleurs. Et je pense chaque jour à celui qui m'attend. Comme il est loin le retour, qu'il est loin mon aimé, qu'il est loin le printemps. Et mon Auvergne jolie reviendrait avec lui m'apporter sa douceur. Nous pourrions rester ici, peut-être jusqu'au jour d'aller finir notre vie en Auvergne jolie où naquit notre amour. Allez, on continue avec Alain Morisot et les Sweet People, les violons d'Acadie. accordéon nouvelle vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Le dernier titre sélectionné par Christophe Pesset, c'est un Madison, toujours signé Maurice Lacange, chanté par bien sûr Marc Pascal, le Madison du rétro. C'est au rétro qu'elles viennent mouiller le maillot, l'une derrière l'autre ou côte à côte, c'est idem recto verso. Quand elles ont chaud, qu'elles ont trop chaud, elles adorent enlever le haut. Comme des poissons dans l'aquarium, elles frétillent pour le Madison. Tous mes copains, tous mes amis m'ont donné rendez-vous ici. Ils m'ont dit tu verras, c'est un superbe endroit, vraiment très très sympa. Les filles sont gentilles et jolies, plus marrantes qu'à Paris. Si tu veux rencontrer les nouvelles femmes de ta vie, il faut venir danser par ici. C'est au rétro, c'est au rétro qu'elles viennent mouiller le maillot, l'une derrière l'autre ou côte à côte, c'est idem recto verso. Quand elles ont chaud, qu'elles ont trop chaud, elles adorent enlever le haut. Comme des poissons dans l'aquarium, elles frétillent pour le Madison, pour le Madison du rétro. Sono gli ombrelli dei noi soldati. Cara biondina, capricciosa, garibaldina, trulala. Tu sei la stella, tu sei la stella. Cara biondina, capricciosa, garibaldina, trulala. Tu sei la stella dei noi soldati. E le stellette che noi portiamo son disciplina, son disciplina, e le stellette che noi portiamo portiamo son disciplina de noi soldati. Cara biondina, capricciosa, garibandina, trulala, tu sei la stella, tu sei la stella. Cara biondina, capricciosa, garibandina, trulala, tu sei la stella de noi soldati. Andrea Bocelli avec Jennifer Lopez et cette version, mais alors magistrale, de Quizás, Quizás, Quizás. Siempre que te pregunto que cuando, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto, siempre que me preguntas, que cuándo, cómo, que y cuando, dónde, cómo y dónde, amor, tú siempre me respondes, siempre te respondo, quizás, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo. Cuando estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Soja FM, Soja. On va écouter maintenant une chanson d'été. Bah écoutez, ça tombe bien hein, cette saison, tout simplement. C'est François Valéry.

vers le pont des amours. Poète et musicien, le chant et l'air de rien deviennent troubadours. Et au son du biniou, comme une portée, le tuyau emmène sur ses eaux les chants comme un cadeau. Et tout doucement, au fil de l'eau, on va se dire au revoir pour cette semaine. L'émission se termine. Et oui, je le sais, c'est toujours avec un pincement au cœur que ça nous arrive. Mais que voulez-vous, c'est comme ça. On va se dire au revoir. On va même dire au revoir à mes collègues. Par exemple, Arlette, qui est à mes côtés. Au revoir. Et oui, Hubert, il y a une fin à tout. Alors au revoir et à bientôt. Merci, Arlette. Au revoir à tous. Passez une bonne semaine. On va essayer, en tout cas. Et puis, on va aussi dire au revoir à notre ami Christophe. Au revoir à tous. Bah écoute, c'est simple, c'est efficace, mais au moins ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement au revoir, mais presque au revoir. Dansez maintenant sur Sergia FM, Hubert Ludan. Allez, on a le temps quand même d'écouter un dernier titre. Passez une très bonne semaine. À la semaine prochaine, on se quitte avec la Java. La fusée. Sorgia FM.